Ceci est une lecture de Christiane Jehan pour audiocité.net. Ceci est un enregistrement sous licence CC BY NC SA 2.0 FR. Poésie et œuvre morale de Giacomo Leopardi. Poésie numéro 7, Au printemps. Traduction par Alphonse Hollard, Alphonse Lemaire, éditeur 1880, domaine public. Au printemps, ou des fables antiques, 1824. Puisque le soleil répare les dégâts du ciel, puisque Zéphyr ravive l'air malade, met en fuite et disperse les nuages dont l'ombre lourde s'abaisse, puisque les oiseaux confient au vent leur frêle poitrine, et qu'à travers les bois qu'elle pénètre et les frimas qu'elle dissout, la lumière du jour inspire aux animaux émus un nouveau désir d'amour, une nouvelle espérance. Peut-être que la belle saison revient pour les âmes humaines fatiguées, ensevelies dans la douleur, et que les disgrâces et le noir aspect de la vérité ont consumé avant le temps. Les rayons de Phébus ne sont donc pas à jamais obscurcis et éteints pour le malheureux ? Et tu inspires, et tu tentes encore, printemps embaumé, ce cœur glacé, ce cœur qui apprend l'amère vieillesse dans la fleur de ses ans. Tu vis donc, tu vis, ô sainte nature, et l'oreille désaccoutumée de ta voix maternelle en recueille le son. Jadis, les rives furent le séjour, le paisible séjour des blanches nymphes. Et les fontaines furent leurs miroirs. Des danses mystérieuses de pieds immortels ébranlèrent les sommets escarpés et les hautes forêts. Aujourd'hui, nid solitaire des vents, et le berger qui, à l'ombre incertaine de midi, menait ses brebis allaitérées au bord fleuri des fleuves, entendit, le long des rives, résonner le chant harmonieux des paons agrestes. Il vit trembler l'onde et s'étonna. Invisible, la déesse qui porte le carquois descendait dans les flots tièdes et lavait son flanc de neige et ses bras de vierge de l'immonde poussière de la chasse sanglante. Oui, un jour, les fleurs et l'herbe ont vécu, les bois ont vécu, les airs légers, les nuages et la lampe titanienne connurent la race humaine, alors que, nus sur les plages et les collines, aux lumières de Cypris, dans la nuit déserte, le voyageur te suivait, les yeux fixés sur toi comme une compagne de sa route, et s'imaginait que tu pensais aux mortels, que si, fuyant les impures liaisons des villes, les colères fatales et les hontes, cet autre heurtait sa poitrine à un tronc hérissé et perdu dans le fond des bois. Il croyait qu'une flamme vivante circulait dans les veines pâles de l'arbre, que les feuilles respiraient, que dans une douloureuse étreinte soupiraient en secret Daphnis et la triste Phyllis, ou que pleurait le fils désolé de Climène, celui qu'Apollon noya dans l'Éridan. Et vous, dur rocher, vous n'étiez pas insensible aux douloureux accents de la tristesse humaine, quand écho solitaire habitait vos terribles cavernes, écho qui n'était pas une vaine erreur des vents, mais l'âme misérable d'une nymphe, qu'un funeste amour et un dur destin arrachèrent de ses tendres membres. par les grottes, par les écueils nus, par les demeures désolées, elle enseignait à la voûte du ciel nos angoisses qu'elle n'ignorait pas et nos plaintes profondes et entrecoupées. Et toi, la renommée, te prête des aventures humaines, oiseau musicien, qui, dans le bois chevelu, vient maintenant chanter l'année renaissante et se lamenter dans la profonde paix des champs, dans l'air muet et sombre, sur des malheurs antiques et un affront criminel, sur le jour qui devint pâle de colère et de pitié. Mais ta race n'est point parente de la nôtre, ses accents variés, la douleur ne les forme pas. Innocent, tu es moins cher à la noire vallée qui te cache. Hélas, hélas, puisque vides sont les demeures de l'Olympe, et aveugle le tonnerre qui, errant parmi les noires nuées et les montagnes, glace également d'une horreur dissolvante les cœurs injustes et les cœurs innocents. Et puisque la terre natale est une étrangère qui ignore les enfants dont elle nourrit la triste vie, ô toi, belle nature, sois la confidente de nos soucis douloureux et de nos destins immérités, et rends à mon âme la flamme antique. Si pourtant tu vis, et si quelque chose réside dans le ciel, dans la terre brûlante, ou dans le sein de l'onde, pour laquelle nos maux soient, sinon, un objet de pitié, du moins un spectacle. Musique, Antonio Vivaldi, concerto pour deux flûtes, en C majeur, RV 533, Orchestra Gli Armonici, licence CC PD, site museopen.org.